En ce temps-là, aucune femme ne résistait au charme d'un jeune noble espagnol. On l'appelait Don Juan. Certains disent qu'il les envoûtait. D'autres racontent encore que la main du diable était posée sur son épaule. Car Don Juan ne connaissait ni amour, ni pitié, ni regret, ni respect. Mais cette nuit-là, le destin en a décidé autrement. Il était une fois à Séville.